Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 54. De la distinction des habitudes. Plusieurs habitudes peuvent exister dans une même puissance. Moyen de les distinguer. Chaque habitude est une qualité simple. 1. Plusieurs habitudes peuvent-elles exister dans une même puissance? L'entendement, dit Aristote, est une seule puissance qui renferme les habitudes des diverses sciences. Pour celle qui dispose l'homme à l'égard de sa nature, il est évident que plusieurs peuvent exister dans un seul et même sujet. Il y a, en effet, dans un même sujet certaines parties qui, prises à part, ont des dispositions que l'on appelle habitudes. Considère-t-on, par exemple, les humeurs du corps humain, leur qualité constitue l'habitude de la santé. Fixe-t-on ses regards sur les os, les nerfs, la chair, leur disposition relativement à la nature donne la maigreur ou l'embonpoint. Envisage-t-on les membres, les pieds, les mains et les autres choses pareilles, leur heureuse harmonie et la beauté. C'est de la sorte que plusieurs habitudes, comme disposition à l'égard de la nature, peuvent se trouver dans la même puissance. Pour les habitudes relatives aux opérations, évidemment encore plusieurs peuvent résider dans une même puissance passive, que plusieurs objets mettent en exercice et qui, par là même, devient le sujet d'action et de perfection d'espèces différentes. La diversité spécifique des habitudes y est une suite naturelle de celle des actes. 2. Les habitudes se distinguent-elles d'après les objets? Il est clair que si, comme nous l'avons vu, les objets établissent une différence d'espèce dans les actes humains, ils en produisent pareillement une dans les habitudes. Trois choses peuvent servir à distinguer les habitudes. D'abord, les principes actifs qui les produisent, ensuite, la nature, soit la nature divine, soit la nature humaine, à laquelle elles se rapportent, enfin, les objets de différentes espèces qu'elles ont pour fin. Note. Ces aperçus trouveront leur application dans la distinction particulière des vertus et des vices. Fin de la note. 3. Les habitudes se distinguent-elles d'après le bien et le mal? Du côté de la nature à laquelle elles disposent, les habitudes se distinguent d'abord par leur harmonie ou leur désaccord avec la nature propre des êtres. Celles qui disposent un agent à des actes convenables à sa nature sont bonnes, et celles, au contraire, qui le dispose à des actes opposés à sa nature sont mauvaises. C'est ainsi que les habitudes vertueuses se distinguent des habitudes vicieuses, conformes à la raison, elles conviennent à la nature humaine, à laquelle les vicieuses sont opposées. À ce point de vue, les habitudes se distinguent d'après le bien et le mal. Elles se distinguent, en second lieu, d'après cette autre règle, que les unes disposent à des actes convenables à la nature inférieure, les autres à des actes propres à la nature supérieure, et de là vient la distinction des vertus humaines, qui appartiennent à la nature inférieure, et des vertus divines ou héroïques, qui sont celles d'une nature supérieure. 4. Une habitude est-elle composée de plusieurs autres? Les habitudes sont des formes simples qui ne se composent pas de plusieurs autres, de même que les puissances perfectionnées par elles s'étendent à plusieurs objets renfermés dans un seul qui les embrasse sous une raison générale, elles s'étendent aussi à plusieurs objets qu'elles comprennent, soit dans une raison générale, soit sous une même nature, soit par un principe unique. À considérer leurs objets, nous y trouverons une certaine multiplicité, mais, Cette multiplicité étant renfermée sous un objet unique qui est la fin principale de chacune d'elles, nous devons admettre que, tout en s'étendant à plusieurs objets, elles forment des qualités simples. Note. La formation successive d'une habitude ne prouve pas que plusieurs parties naissent les unes après les autres, elle montre seulement que le sujet n'a pas, dès le principe, cette disposition ferme et constante qui change difficilement. Imparfaite tout d'abord, l'habitude se fortifie peu à peu, comme toutes les qualités. Celui qui est parvenu, par voie de démonstration, à certaines conclusions d'une science, possède l'habitude de cette science. Vient-il à résoudre d'autres problèmes, il ne produit pas en lui une nouvelle habitude, il rend seulement la sienne plus parfaite. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.